Le 16e festival d'architecture 21 mai et le 11e séminaire sur l'esthétique architecturale auront lieu à Pyongyang du 20 au 23 septembre. La meilleure civilisation au niveau suprême, c'est le sujet du festival et du séminaire où participeront les fonctionnaires et travailleurs des organismes chargés du projet architectural de construction de matériaux, de supervision, de recherche scientifique, d'enseignement et des unités intéressées de tout le pays. Dans le cadre du festival, seront organisées l'exposition de projets architecturaux, l'exposition de matériaux, l'exposition de machines et d'appareils, le concours pour la modernisation des dessins de construction et l'exposé des dissertations. Au séminaire, on expliquera que la direction lucide du camarade Kim Jong-un, qui ouvre l'âge d'or de la construction, a permis de dresser particulièrement du point de vue de l'art plastique les créations exemplaires qui sont à la hauteur d'un État socialiste civilisé et où sont matérialisés l'esprit du jeté et l'identité nationale, et discutera des problèmes de principe à maintenir en permanence dans l'architecture.